إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous, alhamdulillah. Et juste une petite correction avant de commencer, parce que le frère il m'a présenté en disant le frère Al-Hayati. Et beaucoup de frères, ils font l'erreur de dire que mon nom c'est Al-Hayati, et pour ça, c'est Suleiman Al-Hayati. Parce que c'est parce que je suis d'origine haïtienne. Donc, c'est pas Hayati, c'est Hayati. Et donc, comme je disais, c'est un peu plaisir d'être avec vous aujourd'hui, alhamdulillah, et de pouvoir vous rencontrer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Inch'Allah, c'est qu'on va lire une partie d'un livre écrit par un des ulama de notre époque, un des mashaykh, qui s'appelle le Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafizahullah. C'est un livre qui s'intitule Al-Wala wal-Bara. Mais le sujet dont on va parler, c'est pas Al-Wala wal-Bara, c'est un mulhaq, un petit sujet que le Cheikh a mis à la fin du livre, qui explique, c'est un charh du hadith qui concerne Al-Amr bil-Ma'ruf wa-Nahy 'anil Munkar. C'est le hadith qui est rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, par l'imam muslim. Et c'est le hadith que vous connaissez probablement tous. Le hadith qui dit, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. C'est-à-dire, Abu Sa'id al-Khudri, رضي الله عنه, il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: celui d'entre vous qui voit un munkar, qui voit quelque chose de mal, quelque chose qui est haram, alors qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa main, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus faible niveau, le plus bas niveau de la foi. Et le cheikh Bazmoul, Hafizahullah, il rapporte le charh de l'imam al-Nawawi de ce hadith. Donc on va lire ensemble les paroles de l'imam al-Nawawi et qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce hadith ensemble, Inch'Allah. Et on espère qu'on va tous pouvoir en profiter et sortir avec des bienfaits, et de la compréhension d'une façon plus approfondie de ce hadith. Donc, Cheikh ibn Qala al-Imam al-Nawawi, yarhamuhullah, قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم. Donc le cheikh il commence en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « فَلْيُغَيِّرْهُ ». Donc ça c'est un verbe impératif que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam utilise dans ce hadith. C'est-à-dire qu'il le change. C'est-à-dire qu'il voit un munkar, il voit quelque chose de mal, il voit quelque chose qui est haram, alors qu'il le change. Et c'est un verbe impératif qui implique al-wujub, qui implique l'obligation. Que quelque chose est obligatoire pour la Ummah, et il y a une ijma' à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des ulama de l'islam au sujet de l'obligation pour les musulmans d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est quelque chose qui a été reconnu génération après génération par les ulama de la Ummah. Et donc, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est quelque chose qui est prouvé par le Coran, par la Sunna authentique, par l'ijma de la Ummah, et ça fait également partie de al-Nasiha. Comme le prophète Mohammed a dit, al-Din al-Nasiha, al-Din al-Nasiha, al-Din al-Nasiha, qulna liman, ya Rasulallah, qala lillah, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immati al-Muslimina wa a'immatihim. Hein, comme le prophète Rasulallah l'a dit dans un hadith authentique, la religion c'est al-Nasiha, c'est le bon conseil, c'est la sincérité, envers Allah ta'ala, envers son livre, envers son messager, envers les musulmans en général, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc, al-Nasiha, hein, ça fait partie et ça rentre dans la signification d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit que هو أيضا من النصيحة التي هي الدين. C'est ça la religion. Le prophète quand il dit الدين النصيحة, ça veut dire quoi? Ça veut dire que النصيحة, c'est ça la religion, c'est ça l'islam. Tellement c'est important dans l'islam de donner النصيحة que tu pourrais dire même que la religion c'est ça. Hein? Et le chef dit ولم يخالف في ذلك إلا بعد الرافضة ولم يعتز بخلافهم. Il y a quelques personnes qui ont divergé, hein, seulement il y a personne qui a divergé là-dessus, excepté les Rafidah. Les Rafidah, c'est un groupe de bid'a parmi les sectes des Shi'as, hein, qui sont égarés, qui sont déviés de l'islam. Et on ne prend pas en considération leur divergence. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui insultent les Sahaba, qui les déclarent kuffar, qui insultent les mères des croyants, hein, Aisha radiallahu anha et les autres mères des croyants également. Et qui abordent les morts et les saints, hein, et qui font le chef avec les tombes. Donc ces gens-là ne prennent pas en considération leur divergence, parce que les gens qui font ces choses-là ne sont pas considérés comme étant des musulmans. Ceux qui insultent les sahaba, et ceux qui abordent les tombes, et ceux qui prient les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là on ne les considère pas. Même s'ils divergent, on ne prend pas en considération leur divergence. Après le cheikh dit, وكما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث لا يفترق بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يزيغ هؤلاء أو قبل أن ينبغ هؤلاء. Donc l'imam al-Ma'ali, Abu al-Ma'ali, l'imam al-Haramain, il a dit, ne prend pas en considération leur divergence de ces gens-là, parce que les musulmans étaient déjà d'accord sur ce point-là, sur cette chose-là, c'est-à-dire sur l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, avant que ces gens-là apparaissent. C'est-à-dire avant que les Rafidah, les Shia Rafidah apparaissent, les ulama et les musulmans de l'islam étaient déjà d'accord. Depuis l'époque des Sahaba et des Tabi'in, ils étaient déjà d'accord sur cette obligation-là. Après le chef dit, أما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فليس مخالفا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, en ce qui concerne le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, occupez-vous de vous-même ceux qui se sont égarés ne peuvent pas vous nuire si vous vous êtes bien guidés. Hein? Il y a beaucoup de gens, parfois, qui se basent sur ce verset-là pour ne pas ordonner le bien et pour ne pas interdire le mal. Ils disent, moi je suis bien guidé et je m'occupe de moi-même. Les autres qui se sont égarés ne peuvent pas me nuire, donc je ne m'occupe pas des autres. Chacun pour soi. Hein? Livre et laisser vivre. Hein? C'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça, c'est une mentalité qui est complètement en opposition avec l'islam. Et le cheikh dit que cette compréhension-là de ce hadith, de cette ayah, elle est en contradiction avec la réelle compréhension. C'est-à-dire, elle est, c'est pas une bonne compréhension de comprendre le verset de cette manière-là. Le verset ne veut pas dire faites, laissez les gens faire ce qu'ils veulent du moment que vous vous êtes bien guidés. C'est pas ça que ça signifie. Le cheikh dit parce que la position qui est correcte, selon les ulama vérificateurs, ils ont expliqué que la signification de ce verset-là, c'est que lorsque vous faites ce qui est obligatoire pour vous, les manquements et les faiblesses de ceux qui négligent dans leur religion ne peuvent pas vous nuire. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans certains versets, la wala taziru wa ziratu wizra ukhra, c'est-à-dire le péché que quelqu'un a fait, il aura à emporter les poids, c'est-à-dire il aura apporté le poids de ce péché qu'il a fait. Et vous, vous n'aurez pas apporté le péché pour lui. Chacun aura à prendre le poids de son propre péché. Donc la signification de cette ayah, ça veut dire, faites ce qui est obligatoire pour vous, et vous n'allez pas avoir à payer pour les péchés des autres. Sauf que le cheikh dit par la suite, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَّا كُلِفَ بِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Mais parmi les choses qui t'ont été ordonnées, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça, ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour toi. Donc, ça veut dire, ton obligation, c'est d'ordonner le bien à la personne qui ne fait pas le bien et d'interdire le mal à celui qui fait le mal. Et si la personne à qui tu t'adresses ne respecte pas et n'applique pas ce que tu lui dis, alors dans ce cas-là, toi, tu es sauvé du blâme par la suite parce que tu as fait ce qui était dans ton devoir et tu as accompli ta responsabilité. Hein? Tu as fait ce qui était obligatoire pour toi. Maintenant, l'acceptation de la personne, est-ce que la personne accepte qu'est-ce que tu lui dis, ça, c'est pas de ton affaire. Ton travail à toi et ton rôle à toi, c'est uniquement de dire à la personne qu'est-ce qui est obligatoire pour elle et de l'interdire de faire ce qui est haram et par la suite, si elle accepte ou non, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aura à juger cette personne-là au jour de la résurrection. Et donc toi, tu n'es pas chargé du résultat. Tu es chargé uniquement de donner le bon conseil, de faire un nasiha, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le cheikh dit ensuite, « Thumma inna al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar fardhu kifaya. إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. Le cheikh dit que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de ce qui est fard kifaya. Et qu'est-ce que ça veut dire fard kifaya? Ça veut dire que si une partie des musulmans, une partie suffisante ou un nombre suffisant des musulmans l'ont accompli, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans de le faire. Ça devient seulement quelque chose de recommandé pour le reste des musulmans par la suite. Et si tous les musulmans l'abandonnent, alors dans ce cas-là, tous les musulmans sont considérés comme étant des pécheurs s'il n'y en a pas parmi les musulmans qui ont accompli cette obligation-là, ou s'il y a des musulmans qui l'ont délaissé sans excuse ou sans crainte. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'abandonner l'ordre, tu n'as pas le droit de cesser d'ordonner le bien ou d'interdire le mal sans excuse valable dans la charia et sans crainte. C'est-à-dire si tu crains pour ta vie ou des choses de ce genre. Le cheikh dit, « Thumma, innahu qad yata'ayyan, kama iza kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa hu. أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن رأى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تكفير في المعروف. Le cheikh dit que dans certains cas, ça peut devenir obligatoire pour un individu en particulier d'ordonner le bien ou d'interdire le mal si il est dans un endroit où il est la seule personne qui est au courant que ce péché-là ou ce mal-là est en train de se produire. Et ou bien s'il est dans une situation où il est le seul qui est capable de stopper ou de changer ce mal qui est en train de se produire. Donc à ce moment-là, ça devient une obligation pour lui en tant qu'un individu de prendre la responsabilité de changer ce mal. Comme par exemple, le cheikh dit, celui qui voit sa femme ou son enfant est en train de faire quelque chose de munkar et qu'il n'y a personne d'autre à ce moment-là, c'est lui, ça devient obligatoire pour lui en tant qu'individu de corriger ce mal et de le changer ou de stopper ce péché-là qui est en train de se produire, ou bien cette négligence ou ce manquement. Et c'est obligatoire d'ordonner le bien pour lui dans ce cas-là. قال العلماء رضي الله عنهم لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكر تنفع المؤمنين. لشيخ الذكر العلماء رضي الله عنهم ils ont dit que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal continue à être toujours sur une personne, c'est-à-dire ça reste toujours obligatoire sur quelqu'un, même s'il considère lui-même que le fait de leur donner le bien ou d'interdire le mal ne va pas être bénéfique ou ne va pas produire un résultat. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui pensent de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils se disent, ça ne sert à rien de donner le nasiha à cet individu, ou d'ordonner le bien et d'interdire le mal à cet individu-là, parce qu'il ne va pas l'écouter. Ou bien, ça sert à rien, à chaque fois qu'on lui donne la nasiha, il ne va pas changer. Ou bien, ça ne va pas lui faire du bien. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui fait tomber l'obligation. Le fait que tu penses ou que tu t'imagines que la personne ne va pas accepter de toi, la nasiha, ce n'est pas une excuse pour ne pas la donner. Hein? Et donc, le cheikh dit, en fait, c'est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal, même si tu penses que la personne ne va pas l'accepter, ça inexplicable comme ça le mener, parce que le rappel est bénéfique pour les croyants. Et donc, comme on disait tout à l'heure, toi tu fais, et qu'est-ce qui est obligatoire pour toi, puis le reste par la suite, le résultat, est-ce que la personne va accepter ou non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Après le Cheikh dit, والذي عليه الأمر والنهي لا القبول والذي عليه الأمر والنهي لا القبول كما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم. Donc le Cheikh dit que la seule chose qui est obligatoire pour toi, c'est d'ordonner et d'interdire. Et non pas le résultat de la personne, est-ce qu'elle va accepter de toi ou non. Ça, c'est pas de ton ressort. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, « Ma ala rasul illa al-bala'. » Le messager, il n'entend qu'à lui de transmettre le message. La seule chose qui incombe au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui font la da'wah par la suite et qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, c'est uniquement de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le résultat, est-ce que la personne à qui il s'adresse va accepter ou non, c'est pas ça, sa préoccupation, ça n'a pas été ça. Dans le sens que, bien entendu, tu vas espérer que la personne accepte. Hein, ça a de l'espoir et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir le cœur de la personne à qui tu t'adresses pour que la personne accepte la nasiha que tu lui donnes et que la personne cesse de faire ce qui est haram et fasse le ma'ruf que tu lui ordonnes de faire. Toutefois, le résultat n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit que les ulama ont donné des exemples de ça, comme par exemple quelqu'un qui est dans un hammam, un bain public ou des choses de ce genre, et il voit quelqu'un qui a une partie de sa aura qui est découverte, alors il va le voir pour lui dire de se couvrir correctement et des choses de ce genre. من إذي والله أعلم. أقيدي وقال العلماء ولا يشترك في الآمر في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهي عنه والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. Le cheikh dit que les ulama ont expliqué que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un ordonne le bien et interdise le mal qu'il soit parfait en lui-même. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont mal compris. Parce qu'ils s'imaginent que pour que quelqu'un ait le droit de dire à quelqu'un qu'est-ce qui est bien ou pour lui interdire qu'est-ce qui est mal, il s'imagine que la condition pour ça, c'est qu'il soit en lui-même parfait dans sa religion. Et ça, ce n'est pas la vraie compréhension, ce n'est pas une bonne compréhension de Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Le cheikh dit que ce n'est pas une condition que la personne qui ordonne le bien soit en train de le pratiquer lui-même. Et ce n'est pas une condition non plus pour que lorsqu'il interdit un munkar, qu'il cesse lui-même de le faire. Bien entendu, si il veut que la personne à qui il s'adresse accepte de sa part, c'est bien entendu plus facile pour la personne d'accepter lorsque la personne qui va lui ordonner ou qui va lui interdire le fait en donnant l'exemple lui-même. C'est-à-dire que lorsque la personne qui ordonne ou qui interdit donne l'exemple dans sa pratique lui-même, c'est sûr que les gens qui l'écoutent et qui l'entendent vont prendre une leçon et vont accepter plus facilement. Mais ce n'est pas une condition pour que la personne qui ordonne ou que la personne, pour que la personne ordonne le bien ou pour que la personne interdise le mal. Parce qu'il y a des gens comme ça, parfois, ils s'empêchent. Ils voient des gens en train de faire le mal, puis ils se disent, alors moi, je ne vais pas dire à cette personne-là qu'est-ce qu'elle fait, c'est haram, parce que moi-même, je fais du haram. Et donc, ils laissent les gens faire le haram à cause du haram qu'il fait lui-même. Et ils voient quelqu'un, par exemple, qui néglige quelque chose de bien, et ils ne lui ordonnent pas de le faire, parce qu'ils disent, moi-même, je ne le fais pas, donc je ne vais pas l'ordonner aux autres. Et ça, c'est une erreur également. Et ce n'est pas, comme on l'a dit, une condition pour que tu puisses ordonner le bien, pour que tu puisses interdire le mal, que tu sois parfait en toi-même. Le chef, il dit, « Bal alayhi l'amr, wa in kana mukhillan bima ya'mur bihi, wa in kana multarisan bima yanha anhu. » C'est une obligation pour lui d'ordonner, de faire quelque chose, même si lui-même, il le fait pas. Et c'est obligatoire pour lui d'interdire de faire quelque chose qui est haram à quelqu'un, même si lui-même, il fait ce qu'il est en train d'interdire aux autres. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَنْ يَأْمُرَ نَفْسَهُ وَيَنْهَاهَا وَيَأْمُرُ غَيْرَهُ وَيَنْهَاهَا فَإِذَا أَقَلَّ بِأَحَدِهُمَا كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف. Donc, ça c'est un autre point. Le cheikh explique pourquoi. Il explique pourquoi ce n'est pas une condition d'être parfait pour pouvoir faire l'amr بالمعروف والنهي عن المنكر. Le cheikh dit parce que l'obligation qui est sur toi, elle est de deux degrés ou de deux catégories. Premièrement, l'obligation, c'est de t'ordonner et de t'interdire le mal, de t'ordonner le bien à toi-même et de t'interdire le mal à toi-même. Ça, c'est une obligation. Puis, il y a une autre obligation par la suite, c'est d'ordonner le bien aux autres et d'interdire le mal aux autres. Donc, la première obligation, c'est envers toi-même. Et la deuxième obligation, c'est envers les autres. Donc, le cheikh, il dit, « فَإِذَا أَقَلَّ بِأَحَدِهِمَا فَكَيْفَ يُبَاحُ لَهُ الْإِخْلَالُ بِالْآخَرِ » C'est-à-dire, si tu as manqué, ou si tu as eu des manquements dans une des deux obligations, alors comment tu peux négliger l'autre obligation? C'est-à-dire que si tu as deux ordres, Allah te donne l'ordre de faire une chose et te donne l'ordre de faire une deuxième chose. Qu'est-ce qui est pire? d'abandonner une seule de ces deux âmes ou d'abandonner les deux ensemble? D'abandonner les deux ensemble, c'est plus grave que d'abandonner un seul des deux. Et donc, c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit, si tu as négligé dans le fait de t'ordonner à toi-même le bien et de t'interdire à toi-même le mal, alors ça n'excuse pas le fait que tu négliges dans l'autre obligation qui est d'ordonner aux autres le bien et d'interdire aux autres le mal. Ensuite, le cheikh dit, « قال العلماء, ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين. فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم عن التشاهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية والله أعلم. Le Cheikh dit, c'est pas une condition pour que quelqu'un ordonne le bien ou qu'il interdise le mal, qu'il ait une autorité ou qu'il soit quelqu'un de dirigeant. Et bien entendu, il y a des degrés dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal. Hein? Et ça a été expliqué dans plusieurs des livres des ulama. Hein? Par exemple, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça, bien entendu, si tu vas le changer ou l'ordonner avec ta main, bien entendu, il y a les ulama qui expliquent que dans certaines circonstances, ça c'est limité aux gens qui ont une autorité pour éviter que le mal que tu interdis amène plus de mal. D'accord? Donc ça, il faut prendre ces choses-là en considération. Toutefois, même si tu n'es pas un dirigeant, même si tu n'as pas une autorité, mais que tu es chez toi, le père de famille, tu as une responsabilité sur les gens qui sont dans ta maison. Et à partir de ce moment-là, tu as le droit de changer de mal dans ta maison avec ta main. Hein? Dans les limites de ce qui est permis dans la charia. D'accord? Et donc, c'est ça que le chef explique ici, que ce n'est pas une condition que tu sois nécessairement un dirigeant. Bien entendu, ça c'est une parole générale, mais qui doit être comprise selon les principes et les règles qui ont été expliquées en détail dans d'autres paroles des ulama, dans d'autres contextes. Et ensuite, le chef dit, « ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. وإن كان من دقائق الأفعال مما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. Le cheikh dit, la personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, elle doit posséder certaines caractéristiques. Elle doit posséder certaines caractéristiques, et parmi les caractéristiques qu'elle doit posséder, c'est qu'elle doit posséder la science, qu'elle doit avoir le savoir et la connaissance. Elle doit savoir ce qu'elle ordonne, elle doit savoir que c'est un bien, c'est ce qu'elle ordonne, et elle doit savoir que ce qu'elle interdit, c'est un munkar. Parce que la personne qui est ignorante et qui ne sait pas, elle risque d'ordonner quelque chose en pensant que c'est bien alors que c'est mal, et elle risque d'interdire quelque chose de bien, elle risque d'ordonner un mal alors que c'est bien, elle risque d'ordonner quelque chose de mal, elle pense que c'est bien, ou elle risque d'ordonner un bien, d'interdire un bien, alors qu'elle pense que c'est mal. Donc, c'est-à-dire, elle risque d'inverser les choses à cause de son ignorance. Donc, une des conditions, c'est qu'elle doit avoir la science. Elle doit savoir que ce qu'elle ordonne, c'est un ma'ouf, et elle doit savoir que ce qu'elle interdit, c'est un munkar. Et ça dépend de la chose en question. C'est-à-dire de la chose qui est concernée. Si par exemple, la chose qu'il veut ordonner fait partie des choses qui sont connues dans la religion, et qui sont connus par tout le monde, comme par exemple la salat, quelqu'un qui voit quelqu'un qui ne fait pas la salat. C'est pas nécessaire pour quelqu'un d'être un savant de l'islam, savoir que la salat est obligatoire 5 fois par jour. Et pour savoir que la personne qui néglige sa salat, on doit lui ordonner de la faire. La même chose pour le jeûne. La même chose pour les autres piliers de l'islam qui sont bien connus dans la religion. Hein. La même chose pour le hijab, par exemple, pour la femme. Les choses de ce genre. Du moment que tu sais que ces choses-là sont obligatoires et que tu vois quelqu'un qui les néglige, c'est de ton devoir, de ton obligation de mentionner à la personne que ce qu'elle néglige, c'est obligatoire et qu'elle doit le faire. Et le cheikh, il dit également que dans les interdictions aussi qui sont très connues dans l'islam, c'est pas nécessaire non plus que ce soit quelqu'un qui soit un savant pour les interdire. Comme par exemple, al-zina, hein, la fornication, l'adultère, ou bien l'alcool, hein, ou bien le porc, quelqu'un qui mange du porc. C'est pas nécessaire que quelqu'un soit parmi les ulama pour interdire ces choses-là, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît. Tout le monde sait que ces choses-là sont. Tout le monde sait que ces choses-là sont des choses haram, et donc, c'est obligatoire à tous les musulmans de les interdire, même s'ils ne font pas partie des ulama. En fait, le cheikh ici, tout le monde sont des ulama à ce sujet-là. Parce qu'ils savent que c'est soit obligatoire ou interdit selon la chose. Ensuite, le cheikh ici, mais si ça fait partie des pratiques ou des paroles ou des choses qui sont dans les questions très précises et très détaillées de la religion, et que les gens n'ont pas de connaissance des détails de ces questions-là, alors dans ce cas-là, ça fait partie des questions des jihad qui relèvent du domaine des gens qui sont plus approfondis dans l'islam, et ça concerne les ulama. Ça concerne les ulama et c'est eux qui vont réfuter ou répondre aux gens qui font des choses qui sont contraires à l'islam dans ces choses-là, puisque les gens ordinaires parmi les musulmans n'ont pas la connaissance détaillée de la charia qui leur permet de répondre à ces personnes-là qui font ces choses-là. Ensuite, le cheikh dit « Wa'alam anna hadha al-bab ani bab al-amr bil-ma'ruf wal-nahi anil-munkar qad dhi'a أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر أولا أما العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Le cheikh il dit, et sachez que à ce sujet-là, la question qui a rapport avec le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il y en a beaucoup dans ce sujet-là, beaucoup de choses qui ont été perdues maintenant aujourd'hui. Le cheikh il dit, il n'en reste à notre époque que très peu de ces aspects-là qui sont encore appliqués. Et c'est un grand sujet, en fait, dans l'islam. Et en fait, c'est là un des piliers et un des fondements de la religion. Le cheikh dit que, premièrement, lorsqu'il y a beaucoup de péchés qui sont accomplis ou qui sont faits dans la société, hein, et qu'il n'y a personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, eh bien, c'est ce qui se passe par la suite, c'est que le châtiment d'Allah, il tombe sur tout le monde en général par la suite. Du fait qu'il n'y a pas d'individus qui ont ordonné le bien et qui ont interdit le mal. Donc, à cause de ça, Allah fait tomber un châtiment général sur tout le monde. D'accord? Et ça, c'est lorsque la personne qui est sur le bien ne prend pas la personne qui fait l'injustice par la main pour l'empêcher de faire le mal. Donc, tout le monde va être puni en général, que tu sois pieux ou que tu sois parmi les pécheurs, tu vas être puni du fait que tu n'as pas ordonné le bien et tu n'as pas interdit le mal. Et donc, le cheikh, il mentionne le verset, « Fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une fitna ou qu'un dur châtiment, un châtiment douloureux les atteigne, à cause du fait qu'ils ont désobéi au commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam. وينبغي فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهادن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ويقول وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله مع المحسنين وقال تعالى ام حسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Donc le Cheikh explique ici, il dit donc qu'il est nécessaire pour la personne qui recherche ou qui veut atteindre l'au-delà, c'est-à-dire qui veut aller au paradis, qui veut arriver à atteindre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des efforts dans le but d'acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nécessaire pour lui de se préoccuper de ce chapitre, de ce point parmi les principes de la religion, parce que c'est très important. Et s'il s'en occupe comme il faut, c'est quelque chose qui va lui amener un grand bien. Et en particulier à notre époque, du fait que une grande partie de ce principe-là a été négligée et abandonnée par beaucoup de musulmans aujourd'hui. Hein? Donc le cheikh dit, il doit purifier son intention, hein? La rendre sincère, c'est-à-dire il doit avoir l'ikhlas quand il ordonne le bien et quand il interdit le mal. C'est pas pour, par exemple, se faire voir des gens pour montrer qu'il est courageux, ou pour montrer qu'il est jaloux pour la religion, et qu'il veut que les gens reconnaissent son courage et sa force dans le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal. Parce que ça fait partie de l'Arliya, ça fait partie de vouloir faire des œuvres dans le but de se faire voir des gens. Et celui qui fait des œuvres pour se faire voir des gens et pour se faire recevoir des éloges des gens, eh bien, il n'aura aucune récompense pour les actions qu'il fait dans cette dunya. Et au jour de la résolution, il ne sera pas récompensé pour ça. Donc, purifier son intention pour que son action, le fait qu'il ordonne le bien et le fait qu'il interdise le mal, soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Hein? Et le cheikh dit également qu'il ne doit pas transiger non plus vis-à-vis de la personne à qui il interdit le mal, hein, pour recevoir quelque chose dans cette dunya, pour se faire élever par cette personne-là dans la dunya. Hein? Parce que parfois, c'est ce qui arrive du moment que quelqu'un veut avoir une faveur de la part de quelqu'un qui a la possibilité de le faire monter en degré dans la vie, dans cette vie d'ici-bas, soit dans un poste, dans la dunya ou autre, il va s'abstenir d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, justement pour avoir des faveurs de la part de certains individus, ou pour se faire accepter, ou pour faire en sorte que la personne ne la rejette pas, donc il va s'empêcher lui-même d'ordonner le bien ou d'interdire le mal pour se faire placer ou se faire élever en degré. Donc le chef dit ça, c'est pas correct d'agir de cette manière, de transiger dans ce domaine-là, et il mentionne le verset 40 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui vient en aide à la cause d'Allah, Allah va le secourir et va lui venir en aide aussi. Donc, tu mets ta confiance en Allah et tu sais que même si tu risques de te faire rejeter par les gens et que les gens, par exemple, risquent de te poser des problèmes par la suite, tu mets ta confiance en Allah et tu sais que du moment que toi, ton intention, elle est sincère et que tu veux le bien et que tu veux l'agrément d'Allah seulement, Alors, même si on t'enlève quelque chose dans la dunya, tu sais que Allah ta'ala va te venir en aide et qu'il va te donner son secours. Donc, tu mets ta confiance en Allah ta'ala là-dedans. Et il mentionne le verset 101 dans Surah Al-Imran. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Celui qui s'accroche à Allah ta'ala, dans le sens qu'il s'accroche à la révélation d'Allah ta'ala au Coran et à la Sunna, alors celui-là, il a été guidé au droit chemin. Celui qui s'accorde à, qui s'accroche à ce qui est obligatoire pour lui et qui s'écarte de ce qui est, de ce qui lui est interdit. Il suit le Coran, il suit la Sunna, il suit la voie des salafs, la compréhension des sahaba par rapport à l'islam, et il s'éloigne de tout ce qui est haram et de tout ce qui est innovation dans la religion, de tout ce que, les, de tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné et de tout ce que les sahaba n'ont pas connu ni appliqué. Il s'en écarte, il s'en éloigne, il s'en éloigne parce que ça ne fait pas partie de la religion de l'islam. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement de la manière qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il pratique quelque chose dans la religion d'Allah, il a une preuve avec lui, authentique, pour la justifier. Il n'a pas des, il n'invente pas lui-même des adorations, des prières, des adhkars, des paroles comme ça de lui-même, de sa tête, ou des choses qu'il a héritées de ses ancêtres, de ses parents, mais qui n'ont aucune référence dans les textes authentiques de la religion. Donc, les mouchriquines à Mecca, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur parler de l'islam, chaque fois qu'il les appelait au tawhid et qu'il leur demandait d'abandonner, par exemple, le shirk et l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils répondaient? Qu'est-ce qu'ils répondaient? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ils disaient, on a trouvé nos pères, nos ancêtres, en train de suivre quelque chose, et nous, on suit leur pas. Donc ça veut dire parce que nos parents faisaient quelque chose, donc nous on le fait. C'était ça leur seul argument. Est-ce que ça c'est un argument valable pour rejeter la vérité qui vient d'Allah et qui est mentionnée dans le Coran, dans la Sunna et dans la révélation d'Allah? Bien sûr que non. Donc notre religion, elle est tirée du Coran et de la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est contraire à ça, et tout ce qui n'est pas fait de la manière que le prophète Rasul nous a ordonné de le faire, non, ça fait partie de ce qu'on appelle des bid'a. Hein? Et le pluriel du mot bid'a. Et ça, c'est quelque chose que Allah n'accepte pas. C'est quelque chose que Allah va rejeter au jour de la résurrection. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et il a dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui fait quelque chose, qui ne fait pas partie, qui invente quelque chose dans notre religion, qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Donc peu importe, hein, qu'est-ce que tu fais comme ibadah, comme dhikr, comme salat ou autre, si ce n'est pas de la façon que le prophète Rasul nous a ordonné de le faire, et que tu n'as pas une preuve authentique pour la supporter, alors elle ne sera pas acceptée dans l'Occident au jour de la résurrection. Même si des millions de musulmans dans le monde le pratiquent. Même si des milliers de musulmans partout dans différents pays, dans les pays musulmans, le font. C'est pas ça la référence. La référence, c'est pas ce que les musulmans pratiquent. La référence, c'est ce qui est dans les textes du Coran et dans les textes de la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est juste un exemple à ce sujet-là. Et le shaykh, il dit ensuite, il mentionne un autre verset, le verset 69 dans Surat al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui luttent dans nos chemins, ou qui luttent en nous, c'est-à-dire dans le but d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va les guider sur les chemins de son agrément et les chemins de la guidance. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes parmi les, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes avec ceux qui sont les muhsinis, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan. Hein? Et il mentionne également le verset 2 et 3 dans Surat al-Ankabut. Il dit, est-ce que les gens pensent, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve et qu'on ne va pas les tester et qu'on ne va pas les éprouver dans la religion, ce serait bien trop facile si c'était comme ça. Si il ne suffisait que pour être croyant, s'il suffisait uniquement de dire avec la bouche, nous croyons et qu'on ne serait pas éprouvé, ce serait trop facile. Comment on pourrait distinguer entre les vrais croyants et les hypocrites? C'est pour ça que Allah il dit, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et certes, nous avons mis à l'épreuve ceux qui sont venus avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et on a c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui est sincère et ceux qui sont les menteurs. Le cheikh dit ensuite, وَعْلَمْ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ وَلَا يُتَارِكُهُ وَلَا يُتَارِكُهُ أَيْضًا لِصَدَاقَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ وَمُدَاهَنَتِهِ وَطَلَبِ الْمُجَاهَةِ عِنْدَهُ ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته، وأن ينقذه من مضارها، وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من سعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. Le cheikh explique un point important ici, qui parfois est négligé de la part de beaucoup d'entre nous, lorsqu'on leur donne le bien et lorsqu'on interdit le mal. Et c'est important d'y réfléchir. Le cheikh, il dit que la récompense que tu vas obtenir du fait que tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, elle va être proportionnelle avec la difficulté que tu vas subir dans le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal. Donc plus tu as de la difficulté, plus que tu as de la fatigue, plus que tu as des problèmes lorsque tu ordonnes le bien et lorsque tu interdis le mal, plus tu auras une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les prophètes ont la plus grande récompense d'entre nous, parce que c'est eux qui ont le plus d'épreuves dans la da'wah et dans le fait d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler les hommes au bien et de leur interdire le mal. Hein? Et ensuite, les gens, selon leur niveau et selon leur degré. Donc le cheikh dit, tu ne dois pas abandonner l'ordonnance du bien ou l'interdiction du mal à cause de ton amitié pour quelqu'un. Parce que parfois tu as un lien d'amitié avec quelqu'un et étant donné que c'est ton ami, tu ne vas pas lui interdire le mal qu'il fait. Parce que tu crains que peut-être en lui ordonnant le bien ou en lui interdisant le mal, tu penses que ça va nuire à votre amitié. Ou bien le fait que tu aies de l'affection et de l'amour pour lui également. Hein, la personne entre toi et lui, il y a une amitié, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Hein, donc tu penses que le fait de lui ordonner le bien ou de lui interdire le mal, ça va venir nuire cette amitié. Ou bien que tu veux, faire des compromis avec cette personne-là, parce que tu as un intérêt chez lui. Hein? Soit tu as un intérêt économique ou autre, donc tu vas t'empêcher de lui ordonner le bien ou de lui interdire le mal à cause de cet intérêt dans la dunya. Ou bien parce que tu espères de la part de cette personne un certain respect. Hein, il te montre un respect, il te donne une position d'importance, donc tu dis, si je lui ordonne le bien ou si je lui interdis le mal, je vais perdre ce respect-là de ta part. Ou bien, tu espères qu'il te donne un certain statut, hein, ou bien qu'il te donne un niveau ou un degré, ou quelque chose de ce genre dans la dunya. Hein. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve parfois de la part de certains d'entre nous. On a peur d'ordonner le bien, on a peur d'interdire le mal, parce qu'on a peur de perdre quelque chose de la part de certaines personnes. Hein? Et donc, le chef il dit, ou bien parfois c'est ce qui se passe, c'est que tu as déjà une position, hein, et que tu crains de la perdre si tu vas ordonner le bien et si tu vas interdire le mal. Donc, à cause de ça, tu dis, bon, je ne vais pas le faire. Parce que si j'ordonne le bien et si j'interdis le mal, je perds mon privilège ou ma position ou des choses de ce genre. Et donc, tu dis, bon, dans ce cas-là, je vais le faire. Ça aussi, c'est une fitna. Et donc, tu dois faire attention à ça. Et le cheikh dit, فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَمَوَدَّتَهُ تُوْجِبُ لَهُ حُرْمَةً وَحَقًّا وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَنْصَحَهُ وَيَهْدِيَهُ إِلَى مَصَالِحِ آخِرِهِ. Ça nous indique un autre point important qui est très négligé aujourd'hui encore une fois, c'est que lorsque tu as de l'amitié envers quelqu'un et que tu aimes quelqu'un, ça doit être en réalité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette amitié-là et cet amour que tu as pour cette personne, elle implique qu'il y a des droits à respecter envers cette personne-là et envers cette amitié-là. Et parmi ces droits-là, c'est que toi, tu veux du bien pour cette personne. Tu veux du bien pour lui dans le sens que tu souhaites que cette personne-là soit guidée. Tu souhaites que cette personne-là rentre au paradis. Tu souhaites que cette personne, non seulement qu'elle rentre au paradis, mais qu'elle soit dans le niveau le plus élevé du paradis, si c'est possible. Et donc, si tu souhaites ça pour cette personne que tu aimes, pour cet ami que tu as, donc ça implique que tu dois lui ordonner le bien et que tu dois lui interdire le mal si tu es vraiment son ami. Parce que sinon, ça devient une amitié comme l'amitié des kuffars entre eux. L'amitié pour la dunya, l'amitié pour les intérêts, l'amitié pour d'autres choses autres que l'amitié pour Allah. Et vous savez qu'est-ce qui arrive à cette amitié-là au jour de la résurrection? Toute amitié qui était pour autre que Allah au jour de la résurrection, elle va se transformer au jour de la résurrection en haine. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les bons amis, les gens qui étaient des bons amis dans cette dunya et qui s'aimaient pour autre que Allah, au jour de la résurrection, ils vont devenir des ennemis, excepté les pieux. Excepté les pieux. Donc, ça veut dire quoi? Notre amour et notre amitié, si elle est en Allah, ça implique qu'elle doit nous obliger à ordonner le bien à cette personne et à lui interdire le mal. Et souvent, il y a des gens qui se fâchent quand leur ami leur ordonne le bien ou leur interdit le mal et qu'ils considèrent que c'est quelque chose de manquement dans leur amitié. Parce que la personne, elle veut entendre de la part de son ami une approbation et un amour inconditionnel et absolu. Dans le sens que, si tu m'aimes, tu dois m'aimer, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis. Et il y en a des parents qui ont cet amour-là pour leur enfant. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce que fait leur fils, qu'il soit un criminel ou un hors-la-loi, un brigand, un voyou ou un bandit, ou qu'il soit un alim ou un homme pieux ou un hafiz Qur'an, quelqu'un qui respecte les règles d'Allah, et dis-moi, ça ne me dérange pas. Tu choisis ton chemin, que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, je vais toujours t'aimer de la même façon. Ça, c'est pas l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Même ton enfant, tu dois l'aimer pour Allah, et tu dois l'aimer dans le bien, et pour le bien. Et si tu l'aimes réellement, tu lui ordonnes le bien, et tu lui interdis le mal. C'est pas ta fille, tu la laisses faire n'importe quoi. Tu dis, ah, ma fille, c'est ma fille. Peu importe qu'est-ce qu'elle choisit, je l'aime. Qu'elle porte pas le hijab, qu'elle sorte avec des garçons, qu'elle fasse n'importe quoi, ça ne me dérange pas. Ça, c'est pas un amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on doit aimer, comme on dit, le bien pour les gens, pour nos enfants, et pour nos parents, et pour nos amis, et pour nos frères, et pour nos soeurs, et pour tout le monde. Et le fait d'aimer le bien pour les autres, ça implique quoi? Ça implique qu'on va leur ordonner ce qui est bien pour eux et qu'on va leur interdire ce qui est mal pour eux également. Et donc, on va chercher à acquérir un bien fait pour eux, mais qu'est-ce qui va les élever et qu'est-ce qui va les amener dans une position d'agrément auprès d'Allah, au jour de la résurrection. Quelque chose qui va les améliorer par rapport à leur akhira. Et c'est ça qu'on doit rechercher dans le fait d'ordonner le bien et de leur interdire le mal. Et aussi de les sauver de ce qui va les amener vers un châtiment au jour de la résurrection. S'ils font des péchés ou s'ils désobéissent à Allah, ou s'ils font du shirk ou du kufr ou des innovations, des bid'ah, de leur interdire tout ça. Pour les protéger du châtiment d'Allah, parce qu'on les aime. Et si on les aime réellement, c'est de ça qu'il faut les protéger. Et si on les aime réellement, c'est le bien qu'il faut leur ordonner de faire. D'accord? Ensuite, le cheikh dit, صديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. Ça c'est une parole très importante que le chef il dit ici. Ton vrai ami, c'est pas celui qui t'aide seulement dans les choses de la dunya et qui est d'accord avec toi dans qu'est-ce que tu fais, que ce soit halal ou haram, il ne t'encourage pas dans le bien et il ne t'interdit pas le mal. C'est pas lui ton vrai ami. Celui-là, même si tu penses que c'est ton ami, et même si tu l'as pris comme ami, en réalité c'est ton ennemi. Parce qu'il t'amène à ta perte et il t'éloigne du bien, du vrai bien, c'est-à-dire du bien qui t'attend dans l'Akhirah, inshallah. Donc, tu dois savoir qui est ton vrai ami. Et ton vrai ami, tu peux le reconnaître. C'est celui qui t'ordonne de faire ce qui est bon pour toi dans l'Akhirah et qui t'éloigne de ce qui est mauvais pour toi dans l'Akhirah. Hein? Et ton ennemi, le cheikh il dit, ton ennemi c'est la même chose, c'est le contraire. Ton vrai ennemi, c'est celui qui t'amène à diminuer ou à perdre ce qui t'attend de bien dans l'Akhira. Et ton vrai ennemi également, c'est celui qui ne t'encourage pas à faire ce qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des choses importantes à prendre en considération. Et le chef, il donne une question à la fin, une petite note. Vous savez, ton vrai ami, c'est celui qui t'encourage vers le bien, qui t'amène vers Allah, même si ça te fait diminuer dans tes biens de la vie. C'est-à-dire, même si ça te fait diminuer dans le sens que tu vas avoir, tu vas faire quelque chose de ta vie ici-bas, de ton argent ou des choses de ce genre. Et ton vrai ennemi, c'est celui qui t'éloigne du bien par rapport à ton akhira. Même si ça fait augmenter le fait que tu as une amitié avec lui, ça fait augmenter tes biens dans cette dunya. Même si ça fait augmenter tes biens dans cette dunya, c'est pas ça. Cette personne-là, c'est ton vrai ennemi parce qu'il t'éloigne de l'akhira et du bien dans l'akhira. Et qu'il te rapproche du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses simples qu'on entend comme ça en train de les expliquer. Et ça peut paraître simple pour beaucoup d'entre nous et pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de distinguer leurs amis de leurs ennemis. Partout autour de vous dans la société, vous sortez dehors, vous voyez des gens qui se lient d'amitié les uns sur la haine de ce que Allah déteste et sur l'amour de ce que Allah aime. Bien au contraire. Souvent, c'est une amitié qui va avec sur ce que Allah déteste et sur ce que Allah a interdit. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent nous sembler simples, mais qui sont en réalité très difficiles parfois à certains de les discerner. Pourquoi? Parce que quand on est pris dans ce cercle vicieux, parfois on ne voit pas plus loin que ce qui est autour de nous. Et on ne voit pas de l'extérieur la réalité de la situation dans laquelle on est, qui nous éloigne d'Allah de plus en plus. Hein? Le cheikh dit, وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا. وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا أن يوفق ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين بمرضاته وأن يعمنا بجوده ورحمته والله أعلم. Le Cheikh il dit, et c'est pour cette raison-là que le shaytan il est notre ennemi. C'est pour cette raison-là que le shaytan il est notre plus grand ennemi. Parce que le shaytan, c'est celui qui nous incite le plus à se diriger vers ce qui est mauvais pour nous. Dans l'akhira. Qui nous amène à l'enfer. Hein? Inna shaytana kana lakum aduyun. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الشيطان c'est un ennemi pour vous. Alors prenez-le comme un ennemi. Il ne fait qu'appeler son parti pour qu'il soit les gens de la fournaise, les gens de l'enfer. C'est pour ça que c'est lui le plus grand ennemi. Et parmi les gens que certains d'entre nous, parmi d'entre nous, il y en a, on prend des amis qui sont des shayatins pour nous. Parce qu'ils nous appellent à notre perte. Hein? Et parfois, ce sont des gens proches de nous, même dans notre famille. Ils nous encouragent à tout ce qui est haram. Ils nous découragent de tout ce qui est bon pour nous dans notre religion. Hein? Il y a des musulmans, quand ils veulent commencer à pratiquer l'islam, les premiers à les décourager, c'est les gens de leur famille. Les premiers à les décourager, ce sont les gens qui disent musulmans, et qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ce ne sont pas des ennemis de l'islam parmi les kuffars. Non, ce sont des gens qui sont proches d'eux, dans leur propre famille, et qui leur donnent de la difficulté à pratiquer l'islam et la religion. Quand tu commences à vouloir porter ta barre, à suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ortou an al-liha wa qassou shawal » laissez pour cela pousser votre barbe et couper votre moustache. Hein? Il y en a des gens parmi les musulmans, quand ils voient que tu commences à les laisser pousser, ils commencent à prendre ça comme si c'était quelque chose de mal. Et ils vont te décourager de le faire. Et ils vont te dire « Non, sors de ta barbe, tu vas avoir des problèmes, hein? Tu ne vas pas trouver un travail. » Tu ne vas pas avoir ci, tu ne vas pas avoir ça. Donc tu te décourages d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de le faire. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a pour vous à la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient constamment d'Allah. Est-ce qu'il y a un meilleur exemple à suivre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Et est-ce que, n'est-ce pas que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui doit être le plus aimé parmi toutes les créatures de la terre pour nous? Hein? Et donc, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être la meilleure exemple à suivre pour nous. Et puisque lui, il nous a donné cet exemple-là, et il l'a ordonné également, alors comment nous, chaque matin, on peut se lever, se regarder dans le miroir, prendre la crème à rasage, prendre le rasoir et commencer à enlever la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam de notre visage. Et on dit jour et nuit qu'on l'aime de tout notre cœur. Donc il faut se remettre en question. Où est le niveau de ton amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si c'est que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi et Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Donc si vous aimez réellement Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez faire quoi? Vous devez suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a ordonné de pratiquer ces choses et de faire ces choses. Hein? Ça c'est juste une parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire, mais qui est très importante puisque c'est la première chose que quelqu'un voit quand il regarde son visage. Chaque jour. Hein? Et tu ne peux pas le cacher. Tu dis que tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Si la première chose que quelqu'un regarde quand il voit ton visage, c'est le contraire de ce que le prophète sallam a ordonné. Donc il y a un problème. Et ça c'est un exemple. Hein? Donc l'exemple de suivre le prophète sallam, parce que le chef dit ici que les messagers et les prophètes sont ceux qui sont les alliés des croyants. L'Iblis, c'est le plus grand ennemi pour nous. Et les prophètes d'Allah sont les plus grands alliés pour nous. Parce qu'ils nous indiquent tout ce qui est bon pour nous et qu'ils nous interdisent et qu'ils nous éloignent de tout ce qui est mauvais pour nous. Pour notre bien. Parce qu'ils veulent nous amener au paradis. Tandis que le shaytan, il veut nous amener en enfer. Donc ça, il y a la partie du shaytan et il y a la partie d'Allah. À la fin du parti d'Allah, c'est qui? C'est lui. Prophètes et les messagers d'Allah. Alayhi salatu wa salam. Ils veulent, les prophètes et les messagers d'Allah, ils veulent le bien pour tous les croyants. Dans leur dunya et dans leur akhira. Ils veulent les guider vers ce qui est bon pour eux. Et donc le cheikh il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous amener vers ce qui est bon et ce qui amène son agrément. Et qu'il mette sa miséricorde sur tous les croyants et sur chacun d'entre nous. Wallahu a'lam. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Il y a eu beaucoup de leçons dans ces paroles de l'imam al-Nawawi, dans les choses qu'il a mentionnées. Beaucoup de leçons, beaucoup de choses à méditer. Il faut juste, inshallah, réfléchir à ces choses-là, les prendre en considération, essayer de s'en rappeler, puis essayer de les mettre en application dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est un test qu'on est en train de passer sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour nous mettre à l'épreuve. Hein? Donc, il y a l'Iyablu'akum ayyukum ahsanu amala. Pour vous mettre en épreuve, pour voir lequel d'entre vous va être le meilleur en action. Enfin, le meilleur œuvre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On écrit les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on est créé pour l'ibad. Et on est créé pour être éprouvé et pour être testé. Et on est tous, chacun d'entre nous, un test et une épreuve les uns pour les autres. Pour savoir comment on va agir entre nous. Est-ce qu'on va respecter les droits des uns et des autres? Est-ce qu'on va craindre Allah Ta'ala dans nos liens et dans nos relations les uns envers les autres? Que ce soit entre frères, que ce soit dans les relations et les liens de parenté, que ce soit les liens et les relations qu'on peut avoir avec les pouvoirs aussi, de respecter les limites et les règles d'Allah en ce qui concerne ces choses-là aussi. Hein? Donc tout ça c'est important. Et il faut prendre donc ces choses-là en considération et c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait un bon rappel de parler de ce point-là et de ce sujet-là aujourd'hui. On va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik. Inshallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah wa khayran, wa barakallahu fikum, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.